son corps, moulé de satin blanc, poudré de lumière d'or, comme un voilier ancré, balancé par la mer, et les l'île mouvante, sa danse et prière. J'attends que vienne la longueur de la musique et de toutes les lueurs. Jure-moi, jure-moi, qu'au bout de la nuit, au bout de la nuit, tu m'offriras l'été de ta vie. Au-delà de son corps, ce soir, elle dansera. Pour...